reclassement du salarié inapte. Opérant un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation estime que l'employeur peut désormais limiter sa recherche de reclassement à des postes conformes à la position prise par le salarié physiquement inapte. Dès lors, si le salarié informe l'employeur qu'il ne souhaite être reclassé que sur un périmètre géographique précis, la recherche de reclassement peut être limitée à cette zone. La procédure de licenciement ne sera ainsi plus systématiquement invalidée au motif que des emplois disponibles dans d'autres secteurs, mais non conformes aux souhaits du salarié, ne lui ont pas été proposés. Vous noterez que la prise en compte de la volonté du salarié est facultative. L'employeur n'a pas d'obligation d'orienter sa recherche en ce sens. Dans une autre décision, toujours à propos des propositions de reclassement du salarié inapte, la Cour de cassation a estimé que le Code du travail, d'une part, n'exige pas de l'employeur qu'il fasse ses propositions de reclassement à un salarié physiquement inapte par écrit, et d'autre part, ne prohibe pas la formulation de telles propositions lors de l'entretien préalable au licenciement.